Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na sua rádio Internet. Hoje é terça-feira, estamos a 25 de janeiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia até bem perto das 21h05 para lhe trazer hoje música francesa. Tal igual como lhe prometi, trar-lhe-ei hoje música francesa, hoje e na próxima edição, sobretudo dos anos 60 e 70. Vamos abrir hoje com música de 1961, tema que dá pelo nome de Dans l'eau de la Claire, o tema de Georges Brassens, um enorme, em termos de nome, em termos de renome, um enorme cantor e também compositor, que compôs várias músicas, inclusive para Paco Ibáñez, por exemplo. Vamos ainda ouvir também de 61, Mamome, o tema de Jean Faure, o tema que vai fechar a primeira seleção musical de dois temas do nosso Musicália. Como já sabe, esta edição de 25 de janeiro e a próxima de 1 de fevereiro irão trazer música francesa, sobretudo dos anos 60 e 70, mais até dos anos 60. Mas na próxima edição procuraremos trazer músicas dos anos 70 também, músicas não só que fizeram sucesso em França, mas também em Portugal. É o caso de várias destas melodias que vamos escutar ao longo desta edição. Vamos à música então? Georges Brassens com Dans l'eau de la Claire, aliás, Dans l'eau de la Claire, exatamente, e Jean Ferrat com, há pouco disse Jean Ferrat, peço desculpa, Jean Ferrat com Mamome, ambos os temas de 1961. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une faute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu lui plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Ouvimos agora uma das músicas que mais sucesso fez na França e em Portugal das músicas francesas. Charles Dumont, La cigarette après l'amour, um tema que em 1967 fez furor por todos os tops portugueses e franceses também. Serge Reggiani traz-nos uma música que dá pelo nome de Le Loup, é também de 1967, e estas são as duas músicas que irão anteceder às minhas despedidas nesta edição dedicada à música francesa. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, c'est chaque fois la même chose. Déjà tu penses à autre chose. Autre chose, ta cigarette après l'amour. Je la regarde à contre-jour. Mon amour, il va mourir avec l'aurore. Cet amour-là qui s'évapore en fumée bleue qui s'insinue. La nuit retire ses marées. Je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, déjà tu reprends ton visage, tes habitudes étonnantes. Et ton âme, ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, je ne pourrai jamais me faire à ce mouvement de la terre qui vous ramène. Si loin que l'on s'abandonne, ni l'un ni l'autre ne se donne. On se reprend avec l'aurore. Ta cigarette après l'amour s'est consumée à contre-amour. Et si c'était... Et si c'était une nuit, comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang,